Section 39 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 39. Maxime de la vie. Par la comtesse Diane. Aimer quelqu'un, c'est à la fois lui ôter le droit et lui donner la puissance de nous faire souffrir. Qui oublie à pardonner, qui pardonne va tâcher d'oublier. Qui ne craint pas la mort, craint donc la vie. Chacun est dévoué à ce qu'il aime, la bonté est dévouée à qui a besoin d'elle. Les indifférents ne connaissent pas nos peines, les amis ne les comprennent pas comme nous. Rien ne remercie mieux que le bonheur de celui qu'on a obligé. L'homme qui se repent ne cherche plus le bonheur, il accepte l'expiation sous forme de la vie. La délicatesse est l'élégance de la probité. Le doute empoisonne tout et ne tue rien. Dans l'homme, l'enfant n'est pas mort, il n'est qu'endormi. Les autres enfants le réveillent. Les blessures faites par les indifférents ne laisse pas de cicatrices. Fin de la section 39, lue par Margot.